Alphonse Daudet, Lettre de Montmoulin, La cabane. Un toit de roseaux, des murs de roseaux desséchés et jaunes, c'est la cabane. Ainsi s'appelle notre rendez-vous de chasse. Type de la maison camarguaise, la cabane se compose d'une pièce unique, haute, vaste, sans fenêtre, et prenant jour par une porte vitrée qu'on ferme le soir avec des volets pleins. Tout le long des grands murs crépis, blanchis à la chaux, des râteliers attendent les fusils, les carniers, les bottes de marée. Au fond, 5 ou 6 berceaux sont rangés autour d'un vrai mât, planté au sol et montant jusqu'au toit auquel il sert d'appui. La nuit, quand le mistral souffle, et que la cabane craque de partout, avec la mer lointaine et le vent qui la rapproche, porte son bruit, le continue en l'enflant, on se croirait couché dans la chambre d'un bateau. Mais c'est l'après-midi surtout que la cabane est charmante, par nos belles journées d'hiver méridional. J'aime rester tout seul près de la haute cheminée où fument quelques pieds de tamaris. Sous les coups du mistral ou de la tramontane, la porte saute, les roseaux crient, et toutes ces secousses sont un bien petit écho du grand ébranlement de la nature autour de moi. Le soleil d'hiver, fouetté par l'énorme courant, s'éparpille, joint ses rayons, les disperse. De grandes ombres courent sous un ciel bleu admirable. La lumière arrive par saccades, les bruits aussi, et les sonnailles des troupeaux, entendues tout à coup, puis oubliées, perdues dans le vent, reviennent chanter sous la porte ébranlée, avec le charme d'un refrain. L'heure exquise, c'est le crépuscule, un peu avant que les chasseurs n'arrivent. Alors, le vent s'est calmé. Je sors un moment, en paix, le grand soleil rouge descend, enflammé, sans chaleur. La nuit tombe, vous frôle en passant de son aile noire toute humide. Là-bas, au ras du sol, la lumière d'un coup de feu passe avec l'éclat d'une étoile rouge, avivée par l'ombre environnante. Dans ce qui reste de jour, la vie se hâte. Un long triangle de canards vole très bas, comme s'il voulait prendre terre. Mais, tout à coup, la cabane où le soleil est allumé les éloigne. Celui qui tient la tête de la colonne dresse le cou, remonte, et tous les autres derrière lui s'emportent plus haut avec des cris sauvages. Bientôt, un piétinement immense se rapproche, pareil à un bruit de pluie. Des milliers de moutons, rappelés par les bergers, harcelés par les chiens dont on entend le galop confus et l'haleine haletante, se pressent vers les parcs, peureux et indisciplinés. Je suis envahi, frôlé, confondu dans ce tourbillon de laine frisée, de bêlements, une houle véritable où les bergers semblent portés avec leur ombre par des flots bondissants. Derrière les troupeaux, voici des pas connus, des voix joyeuses. La cabane est pleine, animée, bruyante. Les sarments flambent. On rit d'autant plus qu'on est plus las. C'est un étourdissement d'heureuse fatigue. Les fusils dans un coin, les grandes bottes jetées pêle-mêle, les carniers vides et, à côté, les plumages roux, dorés, verts, argentés, tout tachés de sang. La table est mise et, dans la fumée d'une bonne soupe d'anguilles, le silence se fait. Le grand silence des appétits robustes, interrompu seulement par les grognements féroces des chiens qui lapent leur écuelle à tâtons devant la porte. La veillée sera courte. Déjà, près du feu clignotant lui aussi, il ne reste plus que le garde et moi. Nous causons, c'est-à-dire que nous nous jetons de temps en temps, l'un à l'autre, des demi-mots à la façon des paysans, de ces interjections presque indiennes, courtes et vite éteintes, comme les dernières étincelles des sarments consumés. Enfin, le garde se lève, allume sa lanterne, et j'écoute son pas lourd qui se perd dans la nuit.